Chapitre 35e, Œdipe et Lot. Il était minuit moins quelques minutes lorsqu'un homme, débouchant par la rue royale dans la rue Saint-Antoine, suivit cette dernière jusqu'à la fontaine Sainte-Catherine, s'arrêta un instant derrière l'ombre qu'elle projetait, pour s'assurer qu'il n'était point épié, prit l'espèce de ruelle qui conduisait à l'hôtel Saint-Paul, et arrivé là, s'engagea dans la rue, à peu près sombre et tout à fait déserte, du roi de Sicile. Puis, ralentissant le pas à mesure qu'il s'avançait vers l'extrémité de la rue que nous venons de nommer, il entra avec hésitation dans celle de la Croix-Blanche et s'arrêta, hésitant de plus en plus, devant la grille du cimetière Saint-Jean. Là, et comme si ses yeux eussent craint de voir sortir un spectre hors de terre, il attendit, essuyant avec la manche de son habit de sergent la sueur qui coulait de son front. Et en effet, au moment même où commençait de sonner minuit, quelque chose de pareil à une ombre apparut, se glissant à travers les ifs et les cyprès. Cette ombre s'approcha de la grille, et bientôt, au grincement d'une clé dans la serrure, on put s'apercevoir que le spectre, si c'en était un, avait non seulement la faculté de sortir de son tombeau, mais encore, une fois sorti de son tombeau, celle de sortir du cimetière. À ce grincement, le militaire se recula. « Eh bien, monsieur de Beausire, dit les voix railleuses de Cagliostro, ne me reconnaissez-vous point? Ou avez-vous oublié notre rendez-vous? Ah, c'est vous, dit Beausire, respirant comme un homme dont le cœur est soulagé d'un grand poids. Tant mieux. Ces diablesses de rue sont si sombres et si désertes qu'on ne sait pas si mieux vaut y rencontrer âme qui vive, qui chemine seule. Ah, bah, fit Cagliostro, vous, craindre quelque chose, à quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, vous ne me ferez pas croire cela. Un brave comme vous, qui chemine l'épée au côté. Au reste, passez de ce côté-ci de la grille, cher monsieur de Beausire, et vous serez tranquille. Vous n'y rencontrerez que moi. Beausire se rendit à l'invitation, et la serrure, qui avait grincé pour ouvrir la porte devant lui, grinça pour refermer la porte derrière lui. « Là, maintenant, dit Cagliostro, suivez ce petit sentier, cher monsieur, et à 20 pas d'ici, nous trouverons une espèce d'hôtel ruiné, sur les marges duquel nous serons à merveille pour causer de nos petites affaires. » Beausire se mit en devoir d'obéir à Cagliostro, mais après un instant d'hésitation. « Où diable voyez-vous un chemin ? » dit-il. « Je ne vois que des ronces qui me déchirent les chevilles et des herbes qui me montent jusqu'aux genoux. Le fait est que ce cimetière est un des plus mal tenus que je connaisse. Mais cela n'est point étonnant. Vous savez que l'on n'y enterre guère que les condamnés qui ont été exécutés en grève. » Et pour ces pauvres diables, on n'y met pas tant de façons. Cependant, mon cher monsieur de Beausire, nous avons ici de véritables illustrations. S'il faisait jour, je vous montrerais la place où est enterré Bouteville de Montmorency, décapité pour s'être battu en duel. Le chevalier de Rouen, décapité pour avoir conspiré contre le gouvernement. Le comte de Horn, roué pour avoir assassiné un juif. Damien, écartelé pour avoir essayé de tuer Louis XV. Que sais-je? Oh, vous avez tort de médire du cimetière Saint-Jean, monsieur de Beausire. C'est un cimetière mal tenu, mais bien habité. Beausire suivait Cagliostro, emboîtant son pas dans le sien aussi régulièrement qu'un soldat du second rang a l'habitude de le faire avec son chef de file. Ah, dit Cagliostro, en s'arrêtant tout à coup, de manière que Beausire, qui ne s'attendait point à cette toile subite, lui donna du ventre dans le dos. Tenez, voici du tout frais. C'est la tombe de votre confrère Fleur d'Épine, un des assassins du boulanger François qui a été pendu, il y a 8 jours, par arrêt du Châtelet. Cela doit vous intéresser, monsieur de Beausire. C'était comme vous un ancien exempt, un faux sergent et un vrai racoleur. Les dents de Beausire claquaient littéralement. Il lui semblait que ces ronces, au milieu desquelles il marchait, étaient autant de mains crispées sortant de terre pour le tirer par les jambes et lui faire comprendre que la destinée avait marqué là la place où il devait dormir du sommeil éternel. « Ah !» dit enfin Cagliostro, s'arrêtant près d'une espèce de ruine. « Nous sommes arrivés !» Et s'asseyant sur un débris, il indiqua du doigt à Beausire une pierre qui semblait placée côte à côte de la première pour épargner à Sina la peine d'approcher son siège de celui d'Auguste. Il était temps. Les jambes de l'ancien exempt flageolaient de telle façon qu'il tomba sur la pierre plutôt qu'il ne s'y assit. « Allons, maintenant que nous voici bien à notre aise pour causer, cher monsieur de Beausire, dit Cagliostro, Voyons, que s'est-il passé ce soir sous les arcades de la place royale? La séance devait être intéressante. Ma foi, dit Beausire, je vous avoue, monsieur le comte, que j'ai dans ce moment-ci la tête un peu bouleversée. Et en vérité, je crois que nous gagnerions tous les deux à ce que vous voulussiez bien m'interroger. Soit, dit Cagliostro, je suis bon prince, et pourvu que j'arrive à ce que je veux savoir, peu m'importe la forme. Combien étiez-vous sous les arcades de la place royale? 6, moi compris. 6, vous compris, cher monsieur de Beausire. Voyons si ce sont bien les hommes que je pense. Primo, vous, cela ne fait pas de doute. Beausire pousse un soupir indiquant qu'il aurait autant aimé que le doute fût possible. Vous me faites bien de l'honneur, dit-il, de commencer par moi, quand il y a de si grands personnages à côté de moi. Mon cher, je suis les préceptes de l'Évangile. L'Évangile, ne dit-il point, les premiers seront les derniers. Si les premiers doivent être les derniers se trouveront naturellement être les premiers. Je procède donc, comme je vous le dis, selon l'Évangile. Il y avait d'abord vous, n'est-ce pas? Oui, fit Beausire. Puis il y avait votre ami Turcati, n'est-il pas vrai? Un ancien officier recruteur, qui se charge de lever la Légion du Brabant. Oui, fit Beausire, il y avait Turcati. Puis, un bon royaliste nommé Marquier, ci-devant sergent aux gardes françaises, maintenant sous-lieutenant d'une compagnie du centre. Oui, monsieur le comte, il y avait Marquier. Puis monsieur de Favras. Puis monsieur de Favras. Puis l'homme masqué. Puis l'homme masqué. Avez-vous quelques renseignements à me donner sur cet homme masqué, monsieur de Beausire? Beausire regarda Cagliostro si fixement que ses deux yeux semblèrent s'allumer dans l'obscurité. Mais, dit-il, n'est-ce pas... Et il s'arrêta comme s'il eût craint de commettre un sacrilège en allant plus loin. N'est-ce pas qui? Demanda Cagliostro. N'est-ce pas... Ah ça, mais vous avez un nœud à la langue, mon cher monsieur de Beausire. Il faut faire attention à cela. Les nœuds à la langue amènent quelquefois les nœuds au cou, et ceux-ci, pour être des nœuds coulants, n'en sont que plus dangereux. Mais enfin, reprit Beausire, forcé dans ses derniers retranchements, n'est-ce pas, monsieur? Monsieur quoi? Demanda Cagliostro. Monsieur, frère du roi. Ah, cher monsieur de Beausire, que le marquis de Favras, qui a intérêt à faire croire qu'il touche la main d'un prince du sang dans toute cette affaire, dise que l'homme masqué est monsieur, cela se conçoit. Qui ne sait pas mentir, ne sait pas conspirer. Mais que vous et votre ami Turcati, le recruteur, c'est-à-dire deux hommes habitués à prendre la mesure de leur prochain par pied, par pouce et par ligne, se laissent tromper de la sorte, ce n'est point probable. En effet, dit Beausire. Monsieur a 5 pieds 3 pouces 7 lignes, poursuivit Cagliostro, et l'homme masqué a près de 5 pieds 6 pouces. C'est vrai, dit Beausire, et j'y avais déjà songé. Mais si ce n'est pas monsieur, qui donc cela peut-il être? Ah, pardieu! Je serais heureux et fier, mon cher monsieur de Beausire, dit Cagliostro, d'avoir quelque chose à vous apprendre quand je croyais avoir à apprendre quelque chose de vous. Alors, dit l'ancien exempt, qui rentrait peu à peu dans son état naturel, au fur et à mesure que peu à peu il rentrait dans la réalité. Alors vous savez qui est cet homme, vous, monsieur le comte? Parbleu! Y aurait-il l'indiscrétion à vous demander son nom? Beausire fit de la tête signe que c'était cela qu'il désirait. Un nom est toujours une chose grave à dire, monsieur de Beausire, et en vérité, j'aimerais mieux que vous devinassiez. Devinez, il y a 15 jours que je cherche. Ah, parce que personne ne vous aide. Aidez-moi, monsieur le comte. Je ne demande pas mieux. Connaissez-vous l'histoire d'Oedipe? Mal, monsieur le comte. J'ai vu jouer la pièce une fois à la Comédie-Française et vers la fin du 4e acte, j'ai eu le malheur de m'endormir. Peste. Je vous souhaite toujours de ces malheurs-là, mon cher monsieur. Vous voyez cependant qu'aujourd'hui cela me porte préjudice. Eh bien, en deux mots, je vais vous dire ce que c'était qu'Oedipe. Je l'ai connu enfant à la cour du roi Polybe et vieux à celle du roi Admète. Vous pouvez donc croire ce que je vous en dis, mieux que vous ne croiriez ce qu'aurait pu vous en dire Échille, Sophocle, Sénèque, Corneille, Voltaire ou M. Ducis, qui en ont fort entendu parler, c'est possible, mais qui n'ont pas eu l'avantage de le connaître. Beausire fit un mouvement comme pour demander à Cagliostro une explication sur cette étrange prétention émise par lui d'avoir connu un homme mort il y avait quelque 3 600 ans. Mais sans doute pensa-t-il que ce n'était pas la peine d'interrompre le narrateur pour si peu. Il arrêta donc son mouvement et le continua par un signe qui voulait dire « Allez toujours, j'écoute ». Et en effet, comme s'il n'eût rien remarqué, Cagliostro allait toujours. « J'ai donc connu Œdipe. On lui avait prédit qu'il devait être le meurtrier de son père et l'époux de sa mère. Or, croyant Polype son père, il le quitta sans rien dire et partit pour la Phocide. Au moment de son départ, je lui donnai le conseil, au lieu de prendre la grande route de Daulis à Delphes, de prendre par la montagne un chemin que je connaissais. Mais il s'entêta, et comme je ne pouvais lui dire dans quel but je lui donnais ce conseil, toutes mes exhortations pour le faire changer de route furent inutiles. Il résulta de cet entêtement que ce que j'avais prévu arriva. À l'embranchement du chemin de Delphes à Thèbes, il rencontra un homme suivi de 5 esclaves. L'homme était monté sur un char, et le char barrait tout le chemin. Tout aurait pu s'arranger si l'homme au char eût consenti à prendre un peu à gauche, et Œdipe un peu à droite, mais chacun voulut tenir le milieu de la route. L'homme au char était d'un tempérament colérique. Œdipe était d'un naturel peu patient. Les 5 esclaves se jetèrent les uns après les autres au devant de leur maître, et les uns après les autres tombèrent. Puis, après eux, leur maître tomba à son tour. Œdipe passa sur 6 cadavres, et parmi ces 6 cadavres, il y avait celui de son père. « Diable !» fit Beaucir. Puis il reprit la route de Thèbes. Or, sur la route de Thèbes, s'élevait le mont Phision, et dans un sentier plus étroit encore que celui où Œdipe tua son père, un singulier animal avait sa caverne. Cet animal avait les ailes d'un aigle, la tête et les mamelles d'une femme, le corps et les griffes d'un lion. « Oh ! » fit Beaucir, « croyez-vous, monsieur le comte, qu'il existe de pareils monstres ?»« Je ne saurais vous l'affirmer, cher monsieur de Beaucir, » répondit gravement Cagliostro, « attendu que lorsque j'allais à Thèbes par le même chemin, 1000 ans plus tard, du temps d'Épaminondas, le sphinx était mort. En somme, à l'époque d'Œdipe, il était vivant. Et l'une de ses manies était de se tenir sur la route, proposant une énigme aux passants et les mangeant dès qu'ils ne pouvaient pas deviner le mot. Or, comme la chose durait depuis plus de 3 siècles, les passants devenaient de plus en plus rares, et le sphinx avait les dents fort longues. Lorsqu'il aperçut Œdipe, il alla se mettre au milieu de la route, élevant la patte pour faire signe au jeune homme de s'arrêter. « Voyageur, lui dit-il, je suis le sphinx. »« Eh bien, après ? » demanda Œdipe. « Eh bien, le destin m'a envoyé sur la terre pour proposer une énigme mortelle. S'il ne la devine pas, ils m'appartiennent. S'il la devine, j'appartiens à la mort, et je me précipite de moi-même dans l'abîme où jusqu'à présent j'ai précipité les cadavres de tous ceux qui ont eu le malheur de me trouver sur leur route. » Œdipe jeta un regard au fond du précipice et le vit blanc d'ossement. « C'est bien, dit le jeune homme. Quelle est l'énigme ? » ?»« L'énigme, la voici, dit l'oiseau lion. Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi et sur 3 le soir ? » Œdipe réfléchit un instant, puis avec un sourire qui ne laissa point que d'inquiéter le sphinx. « Et si je devine, dit-il, tu te précipiteras de toi-même dans l'abîme ? » C'est la loi, répondit le sphinx. Eh bien, répondit Œdipe, cet animal, c'est l'homme. Comment l'homme ? Interrompit Beaucir, qui prenait intérêt à la conversation comme s'il se fût agi d'un fait contemporain. Oui, l'homme. L'homme qui, dans son enfance, c'est-à-dire au matin de sa vie, marche sur ses pieds et sur ses mains, qui, dans son âge mûr, c'est-à-dire à midi, marche sur ses 2 pieds, et qui, le soir, c'est-à-dire dans sa vieillesse, s'appuie sur un bâton. Ah ! S'écria Beaucir, c'est mordieu vrai, embêté le sphinx. Oui, mon cher monsieur de Beaucir, si bien embêté qu'il se précipita la tête la première dans l'abîme, et qu'ayant eu la loyauté de ne point se servir de ses ailes, ce que vous trouverez probablement bien niais de sa part, il se brisa la tête sur les rochers. Quant à Œdipe, il poursuivit son chemin, arriva à Thèbes, trouva Jocaste veuve, l'épousa, et accomplit ainsi la prophétie de l'oracle, qui avait dit qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. « Mais enfin, monsieur le comte, dit Beaucir, quelle analogie voyez-vous entre l'histoire d'Œdipe et celle de l'homme masqué ?»« Oh, une grande, attendez. D'abord, vous avez désiré savoir son nom. »« Oui. Et moi, je vous ai dit que j'allais vous proposer une énigme. Il est vrai que je suis de meilleure pâte que le sphinx, et que je ne vous dévorerai pas. si vous avez le malheur de ne pas la deviner. Attention, je lève la patte. Quel est le seigneur de la cour qui est le petit-fils de son père, le frère de sa mère et l'oncle de ses sœurs? Ah, diable, fit Beausire, tombant dans une rêverie non moins profonde que celle d'Oedipe. Voyons, cherchez, mon cher monsieur, dit Cagliostro. Aidez-moi un peu, monsieur le comte. Volontiers. Je vous ai demandé si vous connaissiez l'histoire d'Oedipe. Vous m'avez fait cet honneur-là. Maintenant, nous allons passer de l'histoire païenne à l'histoire sacrée. Connaissez-vous l'anecdote de Lot? Avec ses filles, justement. Parbleu, si je la connais. Mais attendez donc. Et oui, ce que l'on disait du vieux roi Louis XV et de sa fille, Madame Adélaïde. Vous brûlez, mon cher monsieur. Alors l'homme masqué, ce serait 5 pieds 6 pouces. Le comte Louis. Allons donc. Le comte Louis de... Chut. Mais puisque vous disiez qu'il n'y a ici que des morts. Oui. Mais sur leur tombe, ils poussent de l'herbe. Elle y pousse même mieux qu'ailleurs. Eh bien, si cette herbe... Comme les roseaux du roi Midas. Connaissez-vous l'histoire du roi Midas? Non, monsieur le comte. Je vous la raconterai un autre jour. Pour le moment, revenons à la nôtre. Alors, reprenant son sérieux, vous disiez donc, demanda-t-il. Pardon, mais je croyais que c'était vous qui interrogiez. Vous avez raison. Et tandis que Cagliostro préparait son interrogation, c'est ma foi vrai, murmurait Beausire, le petit-fils de son père, le frère de sa mère, l'oncle de ses sœurs. C'est le comte Louis de Nard. Attention, dit Cagliostro. Beausire s'interrompit dans son monologue et écouta de toutes ses oreilles. Maintenant qu'il ne nous reste plus de doute sur les conjurés masqués ou non masqués, passons au but du complot. Beausire fit de la tête un signe qui voulait dire qu'il était prêt à répondre. Le but du complot est bien d'enlever le roi, n'est-ce pas? C'est bien le but du complot, en effet. De le conduire à Péronne. À Péronne. À présent, les moyens? Pécuniaires? Pécuniaires, oui, d'abord. On a 2 millions. Que prête un banquier génois? Je connais ce banquier. Il n'y en a pas d'autre? Je ne sache pas. Voilà qui est bien pour l'argent. Mais ce n'est pas assez d'avoir de l'argent. Il faut des hommes. Monsieur de Lafayette vient de donner l'autorisation de lever une légion pour aller au secours du Brabant, qui se révolte contre l'Empire. Oh, ce bon Lafayette! Murmura Cagliostro. Je le reconnais bien, là. Puis tout haut. Soit, on aura une légion. Mais ce n'est pas une légion qu'il faut pour exécuter un pareil projet, c'est une armée. On a l'armée. Ah, voyons l'armée. 1200 chevaux seront réunis à Versailles. Ils en partiront le jour désigné, à 11 heures du soir. À 2 heures du matin, ils arriveront à Paris sur 3 colonnes. Bon. La première entrera par la grille de Chaillot, la seconde par la barrière du Roule, la troisième par celle de Grenelle. La colonne qui entrera par la rue de Grenelle égorgera le général Lafayette. Celle qui entrera par la grille de Chaillot égorgera M. Necker. Enfin, celle qui entrera par la barrière du Roule égorgera M. Bailly. Bon, répéta Cagliostro. Le coup fait, on encloue les canons, on se réunit aux Champs-Élysées et l'on marche sur les Tuileries qui sont à nous. Comment à vous? Et la garde nationale? C'est là que doit agir la colonne brabançonne. Réunie à une partie de la garde soldée, à 400 Suisses et à 300 conjurés de province, elle s'empare, grâce aux intelligences que nous avons dans la place, des portes extérieures et intérieures. On entre chez le roi en criant « Sire, le faubourg Saint-Antoine est en pleine insurrection, une voiture est toute attelée, il faut fuir !» Si le roi consent à fuir, la chose va toute seule. S'il n'y consent pas, on l'emporte de force et on le conduit à Saint-Denis. Bon. Là, on trouve 1 000 hommes d'infanterie auxquels se joignent les 1 200 hommes de cavalerie, la légion brabançonne, les 400 Suisses, les 300 conjurés, 10, 20, 30 000 royalistes recrutés sur la route, et à grande force, on conduit le roi à Péronne. De mieux en mieux. Et à Péronne, que fait-on, mon cher monsieur de Beausire? À Péronne, on trouve 20 000 hommes qui y arrivent en même temps de la Flandre maritime, de la Picardie, de l'Artois, de la Champagne, de la Bourgogne, de la Lorraine, de l'Alsace et du Cambrésis. On est en marche pour 20 000 Suisses, 12 000 Allemands et 12 000 Sardes, lesquels, réunis à la première escorte du roi, formeront un effectif de 150 000 hommes. Joli chiffre, dit Cagliostro. Enfin, avec 150 000 hommes, on marchera sur Paris. On interceptera le bas et le haut de la rivière pour les couper les vivres. Paris affamé capitulera. On dissoudra l'Assemblée nationale et l'on replacera le roi, véritablement roi, sur le trône de ses pères. Amen, dit Cagliostro. Et se levant, mon cher monsieur de Beausire, vous avez une conversation des plus agréables. Mais enfin, il en est de vous comme des plus grands orateurs. Quand vous avez tout dit, vous n'avez plus rien à dire. Et vous avez tout dit, n'est-ce pas ? Oui, monsieur le comte, pour le moment. Alors bonsoir, mon cher monsieur de Beausire. Lorsque vous aurez besoin de 10 autres louis, toujours à titre de don, bien entendu, venez me trouver à Bellevue. À Bellevue, et je demanderai monsieur le comte de Cagliostro. Le comte de Cagliostro ? Oh non ! On ne saurait ce que vous voulez dire. Demandez le baron Zanone. Le baron Zanone, s'écria Beausire. Mais c'est le nom du banquier génois qui a escompté les 2 millions de traites de monsieur. C'est possible, dit Cagliostro. Comment c'est possible ? Oui, seulement je fais tant d'affaires que celle-là se sera confondue avec les autres. Voilà pourquoi, au premier abord, je ne me rappelais pas bien. Mais en effet, maintenant, je crois me souvenir. Beausire était en stupéfaction devant cet homme qui oubliait ainsi des affaires de 2 millions, et il commençait à croire que, ne fût-ce qu'au point de vue pécuniaire, mieux valait être au service du prêteur que de l'emprunteur. Mais comme cette stupéfaction n'allait point jusqu'à lui faire oublier le lieu où il se trouvait, au premier pas de Cagliostro vers la porte, Beausire retrouva le mouvement et le suivi d'une allure tellement modelée sur la sienne qu'aller voir marcher ainsi presque accolés l'un à l'autre, on eût dit 2 automates mus par un même ressort. À la porte seulement, et lorsque la grille fut refermée, les 2 corps parurent se séparer d'une manière visible. « Et maintenant ?» demanda Cagliostro. « De quel côté allez-vous, cher monsieur de Beausire ?»« Mais vous-même, du côté où vous n'allez pas. »« Je vais au palais royal, monsieur le comte. »« Et moi, à la Bastille, monsieur de Beausire. » Sur quoi les 2 hommes se quittèrent, Beausire saluant le comte avec une profonde révérence, Cagliostro saluant Beausire avec une légère inclinaison de tête. Et tous 2 disparurent presque aussitôt au milieu de l'obscurité, Cagliostro dans la rue du Temple et Beausire dans la rue de la Verrerie.